Grey Lady Down sur le 100.7 et Prog à part. Nous allons passer d'un coup d'aile de l'autre côté de l'Atlantique et nous promener aux États-Unis avec deux nouveautés. Une nouveauté, la première, c'est Leonardo de Absolute Man, un projet absolument fantastique des deux frères Garner du bien connu Magellan. Et nous écouterons ensuite le deuxième opus de Brain Dance, vous savez, ce groupe new-yorkais qui fait dans le progressif un peu dark atmosphérique. Voilà, non sans vous rappeler le numéro de téléphone de Prog à part et de Sol, le 04 78 51 16 85. 04 78 51 16 85. Tout de suite, Leonardo. Leonardo, c'est un projet sur la vie de Léonard Vinci qui a regroupé autour, donc, je disais, des frères Garner de Magellan, que du beau monde, puisqu'on a des musiciens de Dream Theater, de Kansas, d'Asia, de Glasshammer, de Mastermind, de Kero, Ice Age, et j'en passe, et des meilleurs, que du beau monde, vous pouvez le constater, pour un projet grandiose, presque de l'opéra rock, et c'est, ma foi, très réussi. Tout de suite, donc, sur Prog à part, un extrait de cet opéra rock, Leonardo de Absolute Man. We'll be right back. C'est carré, c'est le gros son, c'est américain, c'est une production de chez Magna Carta, Leonardo. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin outre-Atlantique avec Brain Dance. C'est un groupe que j'affectionne puisque c'est un groupe progressif qui a de fortes influences au Queendesque. Et je vous propose un extrait de Redemption, leur deuxième opus. Redemption, c'est aussi le titre du morceau que vous entendrez tout de suite. Voilà, Brain Dance sur le 100.7. Quod est inferius est, sicut quod est superius, et quod est superius est, sicut quod est inferius, a penetranda oracula reunibus. As with swirling Brain Dance, je trouve ça superbe. Leur troisième et non pas deuxième opus, Redemption, un duo qui vient, je vous le rappelle, de New York. Retraversons l'Atlantique pour aller en terre germanique et avec un nouveau duo lui aussi, décidément ils sont deux, ils arrivent à jouer comme s'ils étaient quatre, avec The Wall, c'est V-W-O-W, le vœu pieux, voilà un premier album chez la Musea, et un album qui s'intitule Another World, un autre monde. Vous allez voir, c'est superbe, moi j'aime beaucoup, ça rappelle Steve Hackett et consorts. Et je vous le propose tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'appeler pour des renseignements, des précisions ou même pour discuter un brin au 04 78 51 16 85. 04 78 51 16 85. C'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Fly, spread on the numbness, Non, ce n'est pas une revue de presse, puisqu'on attendra le retour de notre ami Olivier. C'est simplement pour vous signaler quelques événements importants. Tout d'abord, le 11 novembre, donc c'est très prochainement, le concert de Pendragon au Transborder. Pendragon au Transborder avec en première partie Ex Vagus, un groupe influencé par Ange qu'on a pu voir d'ailleurs à la convention d'Ange le mois dernier. Donc Ex Vagus, un groupe de Grenoble. Première partie de Pendragon le 11 novembre. Côté presse, eh bien, je vous signale la sortie de Progressiste, le canard belge, de Progression, le magazine anglais, ainsi qu'Acid Dragon, mais on reviendra le mois prochain. Voilà pour la presse spécialisée. Côté presse professionnelle, dite presse en kiosque, à côté donc de Hard Rock Magazine, qui consacre depuis quelques numéros plusieurs pages au progressif, grâce notamment à notre ami Bruno Vermis, signalons la sortie du numéro 4 de Rock Hard, un magazine luxueux dédié également aux musiques métalliques, et qui consacre son nouveau numéro d'octobre, à la scène lyonnaise. Et vous trouverez des lignes concoctées par votre humble serviteur sur le rock progressif made in Lyon. Mirage, avec un nom pareil, on peut dire qu'il ne cache pas leur influence. Un groupe de Marseille, des alentours de Marseille, fortement influencé par Kamel, et c'est une bonne influence. Et le groupe, ma foi, s'en tire pas trop mal, puisque à plusieurs endroits, on a l'impression d'entendre du Kamel. Donc c'est pas vraiment franchement original, mais bon, c'est assez frais et c'est digne d'être écouté. Pour ça que je vous propose un extrait donc de A Secret Place, leur titre, le titre de cet album, et le titre du morceau, c'est Untold Stories, les histoires que l'on n'a pas racontées. Tout de suite, A Secret Place de Mirage sur le 100.7. Thank you. Amateurs auront reconnu un clin d'œil final dans la musique de Mirage et Untold Stories à Kamel au morceau Lunar Sea. Voilà une publication de chez Musea, bien sympathique. Il y a longtemps, vraiment très longtemps, que je rêvais de vous passer un extrait de cet album, un duo de Saint-Pétersbourg, Rainy Season, un groupe des années 92 pour être précis. Je rêvais parce que c'est une musique très raffinée qui mélange le meilleur Pink Floyd avec le plus divin King Crimson. Un duo, deux personnes qui nous ont concocté un unique album, mais c'est suffi pour rester dans l'histoire. Rainy Season, la saison pluvieuse. Return, c'est le titre de l'album, et c'est édité par ce label bien sympathique russe qui s'intitule Bohème. Voilà, je vous propose un extrait de 7 minutes, tout de suite, Rainy Season.